Si on a apporté un remède de chair à Manabouti, a pris, dénonce cela. L'alliance doit être brisée. Toute participation de près ou de loin avec les marabouts, dénoncer, dénoncer, dénoncer. Dénoncer, dénoncer. Nous tous qui avons mangé des choses de chair de marabout, ça doit sortir de vos ventres. Ces choses. Ça doit sortir, que le Saint-Esprit les expulse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout poison, tous ces remèdes, vous avez consommé de chez les marabouts. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dénoncez, que Dieu annule tous les contacts de votre âme, votre corps, votre esprit a eu avec les marabouts. Vous serez libre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que vous avez mangé, que vos parents ont donné, conscient ou pas, quand vous étiez petit ou pas, dénoncez, dénoncez, dénoncez. Dénoncez, dénoncez, dénoncez. Dénoncez, dénoncez, dénoncez. Dans le Père, Seigneur Jésus, que je te prie, Père. Je te prie, Seigneur, c'est la vie. Quel que soit le lieu que vous écoutez cette voix, dénoncez, dénoncez votre participation aux œuvres instituées des ténèbres. La Bible déclare de les condamner, ces œuvres-là. Dénoncez, dénoncez, dénoncez, dénoncez, dénoncez, dénoncez, dénoncez. Dénoncez, dénoncez, dénoncez, dénoncez. Vous tous dont le ventre est en train de tourner maintenant, c'est ça qui va sortir. Dénoncez, dénoncez, dénoncez, dénoncez. Vous dénoncez, ça ne doit plus rester dans vos vies, ça ne doit plus rester dans vos ventes. Toute substance, tout remède que vous avez mangé de chez les marabouts, c'est une alliance, ça doit dénoncer. Dénoncer. Ces alliances-là ne doivent pas toucher vos enfants. Ça doit s'arrêter aujourd'hui. Ça doit s'arrêter. Ça ne doit plus continuer au travers de toi. Tu n'es pas un courroie de transmission entre vous et ça. Ça doit s'arrêter sur vous. Dénoncer, dénoncer, dénoncer, dénoncer, dénoncer. Que cela arrête aujourd'hui, que la nous cela prenne fin aujourd'hui dans ma vie, Seigneur. Car toi seul connais toujours, Seigneur Jésus-Christ, que tous ces esprits incestent dans ma famille, Seigneur. Dénoncez, dénoncez, dénoncez. Dénoncez, dénoncez, dénoncez, dénoncez, dénoncez. Tout poison que vous avez mangé en croyant que c'est le remède de chez le marabout. Dénoncez, dénoncez, dénoncez, dénoncez, dénoncez, dénoncez, dénoncez, dénoncez, dénoncez, dénoncez, dénoncez, dénoncez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dénoncez, dénoncez.

Lâche-le, lâche-le. Lâche-le. Dénoncez, dénoncez. Dénoncez. Dénoncez. Dénoncez, dénoncez. Dénoncez. Dénoncez. Dénoncez. Dénoncez. Dénoncez. Dénoncez. Vous ne participez plus à cette lien-là. Vous ne participez plus. Sors de son ventre, sors de son ventre. Tous ces poisons, ça doit vous lâcher. Sors de son ventre, sors de son ventre. Dénoncez, dénoncez, dénoncez. Lâchez-la, laissez-la comme ça, laissez-la. Dénoncez, dénoncez, dénoncez. Dénoncez. Dénoncez. Dénoncez, dénoncez. Laisse, laissez-la, laissez-la. Au nom de Jésus. Lève-toi comme ça. La prise de Dieu. Travers, laisse comme ça. Travers, travers, travers. Sens-toi par là-bas. Au nom de Jésus. Avancez comme ça. Dénoncez, dénoncez. Cette voix dit dénoncez. Dénoncez, dénoncez, dénoncez. Je dénonce aujourd'hui. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Dénoncez. Au nom de Jésus Nazareth. Toute participation de près ou de loin aux œuvres de ténèbres, tout ce que vous avez mangé chez les marabouts provenant de là. Si vous êtes connecté en alliance avec eux, dénoncez, dénoncez, dénoncez, dénoncez. Au nom de Jésus Nazareth. Que ce soit le poison que ça a injecté dans votre corps, c'est le moment que ça doit sortir. Ça doit sortir de vos entrailles. Ça doit sortir. Ça doit sortir. Ça doit sortir. Ça doit sortir. Ça doit sortir. Que ça sorte maintenant. Sors. Sors. Sors. Dehors, dehors là, dénoncez, dénoncez, dénoncez. Dénoncez, ça parcourt ce qu'il est ici dehors. Dénoncez, dénoncez, dénoncez. Dénoncez. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Dénoncez, dénoncez. Toute participation avec des choses que vous avez mangées chez le marabout, c'est le moment. Le Saint-Esprit dit dénoncez. Dénoncez. La dénonciation brise leur pouvoir. Dénoncez, dénoncez, dénoncez. Dénoncez votre appartenance, votre participation, tout ce que vous avez mangé, de près ou de loin, à ces choses-là. Dénoncez. On vous a donné les choses de chez le marabout de manger. Dénoncez, ça doit sortir. Vous avez mangé chez ces choses-là. Dénoncez, dénoncez. Nom de Jésus-Christ Nazareth. Dénoncez, dénoncez, dénoncez, dénoncez. Mais tout ce que j'ai mangé de chez les marabouts, ne connaissant pas la provenance, je dénonce et je commande que ça me quitte maintenant. Commandez maintenant. Commandez. Commandez. Commandez. Commandez, commandez, commandez, commandez. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Tout ce poison que ça a lâché dans votre aide, dans votre corps, je commande l'expulsion maintenant. Je commande l'expulsion. Je commande. Vous poison, vous m'entendez. Vous poison dans le cœur des enfants du Seigneur. Et quel que soit le lieu, vous m'entendez. Je commande que ça sorte maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout poison. Tout poison que vous avez mangé au travers de ces choses de ténèbres. Je commande que ça sorte maintenant. Sortez tout. Tout poison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Va pousser la femme, tu la soutiens là-bas. Là, mets que sa main soit sur son ventre là. Tout poison dans vos ventres, je commande

que je puisse être libéré, Seigneur. Toi le Seigneur. Commandez. Tout poison dans ton corps, ça te lâche maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Puisse être libéré aujourd'hui, puisse être détaché aujourd'hui au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tendre Père, Seigneur Jésus-Christ. Miséricorde, Seigneur. Je te demande infiniment pardon. Lâche-le. Je te demande infiniment pardon, Seigneur. C'est la fin. Quitte ton corps. Allez, quitte ton corps. Quitte ton corps. Quitte ton corps. Quitte ton corps. Quitte ton corps. Quitte ton corps. C'est la fin. Quitte ton corps. C'est la fin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte ton corps. Que la lumière soit, tu ne manipuleras plus la vie de ces garçons. Tu ne manipuleras plus la vie de ces garçons. C'est terminé aujourd'hui. Je t'ordonne maintenant de lâcher son aide. Ton alliance avec lui est brisée. Maintenant ça s'arrête. Allez, lâche-le. Lâche-le. Allez. 1, 2, 3, lâche-le. Au nom de Jésus de Nazareth. Lâche-le. Au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Lâche-le. Que la lumière soit dans tout ton être. Que la lumière soit dans tout ton être. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Non, je vous arrête. Allez. Nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi, jeune homme, tu es libre. Lève-toi, tu es libre. Nom de Jésus de Nazareth. Toute présence dans votre corps, venue par alliance de tout ce que vous avez mangé de chez les marabouts. Que votre maison ait été sous la protection de ces puissants démoniaques, je commande et je dénonce les œuvres aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.

Tu es vaincu. Tu es vaincu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te commande de le lâcher. Je te commande. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de sortir de ce corps. Sors! Sors! Sors! Sors! Sors! Toi, Fontaine, je te commande. Je te commande. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sors de ce corps. C'est toi, la nuit elle a passé. Toi, forteresse. Toi, forteresse. Parce qu'il faut notre Dieu pour voir. Toi, ça passe, tu ne vois pas. Non, ça passe autour de toi, ça part. Vraiment, juste là, tu ne vois pas toujours. Je te commande de le lâcher. Je te commande de le lâcher. Non, c'est passé autour de toi. Allez à gauche, allez à droite. C'est arrêté là-bas à gauche, tu as vu. Au nom de Jésus, tu es là. Tu as regardé quoi alors? Quand tu regardes, tu vois quoi? Lâche-le. Lâche-le. Tu peux aller là-bas. Sors. Sors. Sors. Au nom de Jésus de Nazareth. Comment tu ne te sens pas? Au nom de Jésus de Nazareth. Pourquoi? Tu es vaincu. Ta forteresse, tu es vaincu. Je t'ordonne. Tu penses que le lâcher. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je te commande. Aujourd'hui, on a fait une alliance. Je te commande. On a réglé ça. Donc, à l'instant où tu as réglé, ça se pose qu'il y a un contact. Ta forteresse. Donc, je t'en mets une chose. Sorti de lui. Sors. Sors. Droit maintenant. Sors! Donc tu peux foncer. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu veux prendre d'abord le courage. Au nom de Jésus de Nazareth. Je te commande. Tu ne sens pas que tu es prêt, n'est-ce pas? Tu as forteresse de le lâcher. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Sors! Tu as forteresse, je te commande. Tu connais le chien. Au nom de Jésus de Nazareth, de le lâcher. C'est quelque chose qu'on veut lâche-le. Faire. Lâche-le. Qu'on ne doit pas lâche-le. Faire. Lâche-le. Qu'on en a de faire. Lâche-le. Mais qu'est-ce qu'ils sont là depuis là? Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Lâche-le. Les pompiers, ça c'est le sable. On va t'aller. Je te commande. Au nom de Jésus de Nazareth. Ouais, je fais le même sens de lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Donne-le un soir. Lâche-le. Donne-le avec tout le sang. Lâche-le. Donne-le le sang de son mari, il ne connaît pas. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est une nouvelle création. Lâche. Lâche-le. Les choses anciennes, même les sables. Lâche-le. Lâche-le. Bon, continuez la conversation. Ton corps ne t'appartient pas. Tu as le temps de dire les choses. Ton corps ne t'appartient pas. Qu'on ne veut pas faire. Je te commande de le lâcher. C'est de comprendre avec moi. Lâche-le. Lâche-le chaque fois, mais on y revient. Lâche-le. Lâche-le. Mais c'est une étape. Nom de Jésus de Nazareth. C'est cela que tu veux. Nom de Jésus de Nazareth. Je te commande de le lâcher. Je te commande. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? De le lâcher. Au nom de Jésus de Nazareth. Force pour pouvoir devenir bien que ça. Au nom de Jésus de Nazareth. Qu'est-ce que tu as fait? Comme prier. Lâche-le. Mais comment tu nous dis que tu es. Sors! Sors! Parce que là, si tu me demandes quelque chose comme ça, il nous écoute. Et si nous savons que nous écoutons, non, nous sommes là. Sors! Il n'y a plus de sens. D'accord? Mais ça y est, la prochaine fois, tu peux te dire. Sors! Ça, non. Tu peux comment? Parce que tout à l'heure, dans la deuxième partie. Sors, forteresse! Lâche-le! Ça, la prochaine fois, non? Lâche-le! Lâche-le! La prochaine séance. Lâche-le! C'est-à-dire qu'après ça, on va prendre la deuxième, mais on va conduire la deuxième séance. Lâche-le! Boulot de la prochaine. Lâche-le! Je te commande. C'est pas ça. Je te commande. De le lâcher. Lâche-le. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Chacun va crier. Toi, forteresse. J'aime pas ça là-bas. Je te commande de le lâcher. Toi, forteresse. Il te regarde seulement comme ça. Je te commande. De le lâcher. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Ne tente pas. Sors. C'est la même chose. Sors! Je m'appelle Olivier. Sors! D'accord. Sors! Sors! Je te commande, forteresse, de le lâcher. Je te commande. Tu as forteresse de le lâcher. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Sors! Tu as forteresse, je te commande de le lâcher. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, sors! Sors! Sors! Je te commande, je te commande de le lâcher, Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Comment il vomit tout ça? Sors! Vomis! Vomis! Vomis! La forteresse, vomis! Ce que tu as mis en lui, vomis! Vomis tout! Que tout cela sorte! Au nom de Jésus Christ de Nazareth! Vomis! Je te commande! Au nom de Jésus Christ de Nazareth, vomis! Vomis! Vomis! Toi, forteresse, vomis! Vomis! Vomis! Je te commande! Je te commande, vomis! Vomis cela! Vomis! Au nom de Jésus Christ de Nazareth, vomis! Vomis tout! Tout! Vomis! Vomis tout! Au nom de Jésus de Nazareth, je te commande! Vomis tout! Tout! Vomis! Au nom de Jésus Christ de Nazareth! Au nom de Jésus Christ de Nazareth! Vomis! Vomis tout! Tout! Vomis! Au nom de Jésus Christ de Nazareth, je te commande! Je te commande, tout vomi, tout te poison vomi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te commande, de vomir tout ce que tu as mis en lui, vomi, tu le lâches, vomi et tu le lâches, au nom de Jésus. Je te commande, toi, forteresse, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de le lâcher. Tu vas l'enlever. Ça veut dire qu'il a réglé le problème de romantisme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu as le problème aussi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te commande de le lâcher. Tu as quel problème alors? Je te commande. Lâche-le. On va tester là. Vomis ce que tu as mis. Vomis. Vomis tout! Vomis! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Je commande! Ta forteresse, je vomis! Tous les poisons que tu as mis en lui! Vomis et tu lâches ton corps! Vomis et tu lâches ton corps! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Je te commande, ta forteresse! Je te commande! Je te commande! Au nom de Jésus que l'on arrête de le lâcher. Lâche-le. Lâche. Ce corps ne t'appartient pas. Lâche-le. Je te commande, toi, porteur, de le lâcher. Je te commande. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-le. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te commande de le lâcher. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-le. Et tu vomis. Vomis tout ce que tu as mis en lui, vomis! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Vomis! Tes poisons! Vomis! Toi, forteresse, je te commande! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Je te commande de vomir! Vomis! Lâche-le! Lâche-le. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te commande, toi, forteresse, de le lâcher. Lâche-le. Je te commande de le lâcher. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te commande de le lâcher. Lâche-le. Toi, forteresse, je te commande de le lâcher. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-le.